بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال الثاني بعد المئتين. 202 question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن قول بعض الناس يعلم الله كذا وكذا. Donc il a interrogé à propos de gens qui disent que Allah sait telle et telle chose. Allah il sait telle et telle chose. فأجاب رحمه الله تعالى قول يعلم الله هذه مسألة خطيرة حتى رأيت في كتب الحنفية أن من قال عن شيء يعلم الله والأمر بخلافه صار كافرا خارجا عن الملة. Donc il a dit quoi? Le fait de dire cette parole-là, c'est une chose qui est peut-être très dangereuse. J'ai même vu dans les livres de la Hanafiya, Madame Hanafi, que celui qui dirait, par exemple, que Allah sait telle et telle chose, alors qu'en réalité la personne a fait le contraire, il devient kafir pour cela. فَإِذَا قُلْتَ يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي مَفْعَلْتُ كَذَا وَأَنْتَ فَاعِلٌ فَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَجْهَلُ الْأَمْرَ. Par exemple, toi tu fais une chose. Tu dis, Allah sait que je n'ai pas fait telle chose. Et cette chose-là, tu l'as faite pour de vrai. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est comme si tu disais que Allah ignore la chose. Parce que toi, tu as dit le contraire, tu as dit Allah, il sait que j'ai pas fait ça, alors que tu l'as fait. Donc ça revient à quoi? À dire que Allah, il a ignoré. Donc ça revient à quoi de dire qu'Allah, il ignore? Ça revient à m'y croire. Car le djihad, c'est parmi les sifats que Allah n'a pas. Abadan, c'est une sifat de Nox. Parmi les sifats d'Allah, il y a le ilm. Yaqul, Ya'lamullahu anni mazurtu fulanan wa ra'aytu wa anta za'iruhu. Sara la ya'lamu ma yaqa' wa ma'lum anna man nafa 'anni Allah al-'ilm faqad kafara. D'accord. Donc là, le shir a répété ce qu'on vient de dire là. وليذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في القدرية قال جادلوهم بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروه به خصموا. C'est pour ça que le Shafi'i il a dit, lorsque tu fais un débat avec les Qadariyya, Qadariyya sont les gens qui renient le destin, il dit débat avec eux avec le ilm, c'est-à-dire est-ce que Allah il sait les choses ou pas. S'ils te disent non, qu'Allah ne connaît pas les choses, ils auront mécru. Et si jamais ils te disent oui, Allah le sait, alors ils auront été vaincus dans le débat. Car si Allah sait les choses, c'est qu'il sait qu'elles étaient prescrites, prédestinées, écrites à l'avance, s'il le sait. Donc le destin, en faisant cela, tu es obligé de l'affirmer. Si jamais tu dis Allah ne savait pas, eh ben là, tu auras fait du kufr à ce moment-là. Tu auras dit qu'Allah n'est pas alim. Et ça, c'est une chose qui est dramatique, qui est gravissime. والحاصل أن قول القائل يعلم الله إذا قاله والأمر على خلاف ما قاله فإن ذلك خطير جدا هو حرام بلا شك. Donc il a dit le fait de dire que Allah sait alors que la personne a fait le contraire, il a dit une chose qui est très dangereuse, très périlleuse, d'accord, et c'est bien sûr au minimum c'est haram et que cela peut arriver au kufr. طيب أما إذا كان مصيبا فالأمر على ما وافقه على وفق ما قال فلا بأس بذلك لأنه صادق في قوله. Par contre, si il dit que Allah sait d'une chose qui est véridique, alors il n'y a pas de mal à le dire à ce moment-là. لأنه صادق في قوله ولأن الله بكل شيء عليم كما قالت الرسل في سورة ياسين قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. Car Allah il est omniscient, il sait tout, il sait ce qui a lieu et il sait ce qui aurait eu dans ce qui n'a pas lieu. Comment telle chose serait passée même si elle n'a pas eu lieu. Par exemple, toi tu as tourné à droite, si tu avais tourné à gauche, alors c'est ce qui serait passé. Toi tu ne sais pas. Et les Rasoul, dans Sourate Yassine, ils ont dit, dans le sens où il dit leur sujet, ils ont dit notre Seigneur sait que nous sommes envoyés auprès de vous. Donc on affirme que Allah il sait. Mais ne dire Allah il sait alors que tu mens à ce moment-là, ça peut être très très grave. Wallahi azabillah. ثم قال في السؤال الثالث بعد المئتين 203 question. سئل فضيلته عن قول بعض الناس إذا انتقم الله من الظالم الله ما يضرب بعصا. Donc il a été interrogé à propos de gens qui disent lorsque Allah par exemple se venge d'un injuste, ils disent Allah ne frappe pas avec un bâton. Allah ne frappe pas avec un bâton. فأجاب رحمه الله تعالى لا يجوز أن يقال أن يقول الإنسان مثل هذا التعبير بالنسبة لله عز وجل. Il a dit il n'est pas permis que la personne parle de la sorte concernant Allah سبحانه وتعالى. ولكن لو أن يقول إن الله سبحانه وتعالى حكم لا يظلم أحدا من ينتقم من الظالم. Par contre il doit dire que Allah il est juste et ne laisse personne et qu'il se venge de l'injuste. Allah se venge de l'injuste. وما أشبه ذلك وما أشبه هذه الكلمات التي جاءت بها النصوص الشرعية. D'accord, car des textes dans la révélation sont venus dans ce sens-là. أما الكلمات التي أشار إليها السائل فلا أرى أنها جائزة. Quand au fait de dire comme l'a dit le questionnaire, c'est-à-dire que Allah ne frappe pas du bâton, il a dit, je considère que ces paroles-là, elle n'est pas permise. Mais là, chacun n'est pas permise. Non. طيب فهذا الذي أخذنا اليوم من هذين السؤالين ونقف هنا والحمد لله رب العالمين.